Sol. Ré. Ok. Après sol, ouais. Là. Ré, ré, ré, ré, sol, sol. Et après, je sais pas. Ré. Je vais rajouter un ré sur l'accord. Vas-y, rejoue-le. À l'oreille, j'aurais mis un mi, mais bon. Mais bon, je me trompe. Mais j'aurais mis un mi. Par rapport à ce que tu joues ou ce que j'entends. Enfin, si tu joues pas, je peux pas le faire. Donc, du coup, je bois un peu de bière. Deuxième accord, vas-y, joue le deuxième. tu closes ça au pour de ça. Ingénieur informaticien, j'ai tout bloqué mon Windows. J'ai tout bloqué mon ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait quand ton ordinateur est tout bloqué? À part il met à tout point. C'est quoi la procédure, monsieur l'informaticien? Dans toutes les bloquées. Avec le contrôle à l'unité. Je vais être obligé de m'éteindre cet ordinateur. Bon, ben c'est tout bloqué. Préparation des options de sécurité. Attention. Gestionnaire des tâches. Reaper. Fermé. Attention, fermeture du Reaper. Reaper ne veut pas fermer. Ah, message de. Ah, c'est Guitari qui fout la merde. Attention, dans quelques instants. Attendez-vous. Dans quelques instants, la prochaine fois, pétez-vous. Thank you. J'essaye. Fausse note là, il y avait une petite fausse note, Bilou. Il y a quelque chose qui allait pas là. Qui a pété sur la guitare. Oh la pauvre. Ah ça y est, il est temps de changer les cordes, il y a une corde qui a pété. C'est trop tôt. Il reste le morceau dedans.